Chapitre 33e. Monsieur Laurent en prison. Dans la soirée, l'amorce donna à Paulin Broquet l'annonce de l'arrestation de Riri, pour vol. « Encore un coup du comte de la Guérinière, » dit seulement le détective. « Cet enfant n'est pas une voleuse. Pourquoi ce misérable la poursuit-il ainsi? Il veut sans doute l'affoler, la noyer, et lui apparaître dans cette détresse comme le sauveur. » Paulin Broquet sourit. « Il arrivera trop tard, comme pour le collier. » Mais Simon, qui entra, lui donna d'autres nouvelles tout aussi graves. « Monsieur Laurent a été arrêté. »« Monsieur Laurent ?»« Oui, pour vol. »« Aussi, raconte-moi ça. » »« Sur la plainte de Monsieur Billemont. » »« Le maire d'Itonville. »« Le beau-père ?»« Oui, chef. » »« Bon, je devine, je vois. Le jeu est clair. » »« Zigomar vient de se manifester une fois de plus. » C'était en effet Monsieur Billemont qui avait déposé une plainte pour vol contre son gendre. Deux jours auparavant, Monsieur Billemont, à son grand étonnement, reçut la visite de deux personnes venant de Paris. L'une se donna comme fondée de pouvoir d'une banque parisienne, l'autre comme huissier l'accompagnant pour constat. Le fondé de pouvoir dit au maire d'Itonville « Je vous demande pardon, monsieur le maire, de vous poser ces questions, mais il y va de l'honneur de quelqu'un qui vous touche de près, et de votre honneur à vous. » « De mon honneur, comment cela? Parlez. Monsieur Laurent est votre gendre, hélas. Bien. Vous n'ignorez pas que Monsieur Laurent est aujourd'hui absolument ruiné. Ruiné, je le croyais seulement gêné. Mais ruiné? Il en est réduit aux expédients. Oh! Hier, il a eu à payer un effet de 10 000 francs. Il n'a pas payé? Si. Alors, voilà. Nous savions que quelques jours auparavant, Monsieur Laurent n'avait pas un sou pour faire face à cette échéance. Il a trouvé du crédit. Ici? Chez vous? Chez moi, non. Je ne lui ai pas donné un sou et je ne lui donnerai pas un radis. Parfait. À Paris, M. Laurent est brûlé totalement. Il est venu vous voir. Nous pensions que vous aviez cédé et que pour ne pas laisser protester votre signature, le maire d'Itonville sursauta. Ma signature? Qu'est-ce que vient faire ici ma signature? Pourquoi mêler ma signature à tout cela? Parce qu'elle endosse les effets émis par M. Laurent, votre gendre, pour se procurer de l'argent. Cette fois, M. Billemont tapa du poing sur une table en criant « C'est des faux! C'est des faux! Entendez-vous? Mon gendre est un misérable, un faussaire! » « Alors les billets en circulation, vous ne comptez pas les payer, malgré votre signature? Jamais, jamais! Oh, il le faudra bien, cependant. Jamais, vous dis-je. Je vais déposer une plainte contre Laurent. Ah, le misérable! À la canaille !» Le fondé de pouvoir laissa passer ce moment de colère de M. Billemont, puis il dit « Je vous dis cela, monsieur, pour nous couvrir, nous, détenteurs des faits portant votre nom. Aussi pour vous avertir, par condescendance pour votre honorabilité. Mais il se peut que M. Laurent ait trouvé maintenant assez d'argent pour faire face à toutes les autres échéances qui vont suivre. Où aurait-il trouvé de l'argent, puisqu'à Paris il est brûlé? Mais il est certain, nous savons, il l'a d'ailleurs déclaré, que c'est en revenant de l'Aigle qu'il a pu payer. » M. Billemont tout à coup poussa un juron normand. « Attendez, » dit-il brusquement aux deux hommes, « attendez là. » Il sortit du cabinet où il les avait reçus, et il monta dans sa chambre. Dans son cerveau, subitement, un trait de lumière avait brillé, qui lui montrait quelque chose d'épouvantable. Il se rappela qu'il avait hébergé son gendre toute une nuit, que M. Laurent était resté à la maison bien après que lui, M. Billemont, fût allé voir ses hommes travailler. Pendant ce temps, M. Laurent demeura seul à la maison, dans la chambre qu'on lui avait donnée, voisine de la sienne, de celle où il gardait dans son coffre-fort son argent. Depuis ce matin-là, M. Billemont n'avait pas eu à ouvrir son coffre-fort, ne l'avait pas visité, pas vérifié. Maintenant, tenaillé par une pensée terrible, il l'ouvrit en tremblant. Le fondé de pouvoir, l'huissier d'en bas, l'entendirent qui poussait des hurlements de rage, qui criait toutes sortes d'invectives furieuses contre son gendre. « Volé !» s'écria-t-il en reparaissant dans le cabinet de travail. « Il m'a volé! Laurent est un voleur, un faussaire, un voleur !» M. Billemont semblait fou furieux maintenant. « Volé, volé » répétait-il. « Il m'a pris mon argent, ce bandit, ce misérable !» Sa colère lui fit dire « C'est Zigomar, je vous affirme que c'est lui, Zigomar !» Dans sa rage, il alla jusqu'à crier « C'est un assassin !» À ce mot, il s'arrêta. De nouveau, il fut frappé par une pensée atroce. « Mais » dit-il au fondé de pouvoir, à l'huissier. « Mais voyons !» Est-ce que Laurent n'a pas été compromis dans l'affaire de la banque Montreuil? Est-ce qu'on ne l'a pas soupçonné d'avoir assassiné le banquier? Les deux hommes s'inclinèrent sans répondre. Le maire d'Itonville alors ne se contint plus. C'est ça, c'est bien ça, voilà! c'est Laurent qui est venu chez le banquier, ou pour reprendre ses billets, ou pour voler l'argent du coffre. Il l'a tué. Moi, il m'a seulement volé. Mais si j'avais été là pour empêcher son vol, il m'aurait également assassiné. » Les deux hommes se retirèrent, s'excusant d'avoir ainsi apporté le trouble dans la maison. Mais ils étaient à peine partis que M. Billemont, qui marchait dans son bureau comme un lion enragé en cage, monta de nouveau dans sa chambre. Il jeta sur son coffre-fort un dernier regard désolé, puis il fit rapidement une petite valise, consulta un indicateur et s'écria « J'ai le temps d'arriver à Paris avant la fermeture du palais. » Il ordonna d'atteler et se fit conduire à l'Aigle, où il prit le train. Il déposa entre les mains du procureur de la République une plainte pour vol contre son gendre, M. Laurent. Le lendemain matin, à la première heure, M. Laurent voyait arriver à son bureau les magistrats qui mettaient à exécution le mandat lancé après cette plainte dûment formulée. M. Laurent, indigné, voulut se défendre, protester, mais la plainte de M. Billemont était formelle. Les magistrats saisirent dans le coffre-fort de M. Laurent divers papiers, entre autres des billets passés à la banque Montreuil qui portaient la signature de M. Billemont. Or, M. Billemont avait également déposé une plainte contre son gendre pour faux et usage de faux. De plus, ces billets, selon une déclaration du comptable de la banque Montreuil qui vérifiait le contentieux spécial du banquier défunt et qu'on avait ce matin convoqué, ces billets, retrouvés ici, faisait défaut dans les papiers de M. Montreuil et, selon toute vraisemblance, avait dû disparaître au moment de l'assassinat. C'était en quelque sorte établir la culpabilité de M. Laurent, le déclarer l'assassin de M. Montreuil. L'affaire alors prenait une ampleur énorme. Cependant, M. Laurent se défendait courageusement. Il reconnaissait certes les faux, il s'en accusait sans restriction. Mais il déclarait qu'il ne comprenait pas comment ces billets, qu'il savait lui mieux que personne, devoir être renfermé dans le coffre de M. Montreuil, se trouvait aujourd'hui chez lui dans ses papiers. « Il faut que quelqu'un les y ait mis, déclara-t-il, que quelqu'un les ait pris chez M. Montreuil et les ait cachés ici, dans mon coffre. Mais ce n'est pas moi, je le jure, ce n'est pas moi. » Pareille défense ne pouvait être admise par personne. Elle était impossible, inacceptable. Le magistrat demanda au malheureux M. Laurent « Vous avez pu payer un effet de 10 000 francs, alors que quelques jours auparavant vous ne possédiez pas un sou. Où avez-vous trouvé de l'argent ? À l'Aigle ? Oui, à l'Aigle. Pas chez votre beau-père ? Non. M. Billemont m'a impitoyablement refusé tout secours. Alors ? Mais ma femme, qui a fait le voyage le lendemain, est revenue avec l'argent nécessaire. Qui le lui a donné ? Sa tante, tante Mélie. » Les magistrats, ayant fini de perquisitionner dans le bureau, émis les scellés, se rendirent au domicile particulier de M. Laurent, boulevard de Sébastopol. M. Billemont s'y trouvait. Il venait d'apprendre à sa fille ce qui se passait et lui dire qu'il la ramenait avec lui, qu'il devait divorcer, qu'il se chargeait de refaire sa vie, de lui créer un autre foyer, un nouveau bonheur. Mais contre son attente, il trouvait chez sa fille une opposition vibrante. Elle défendit énergiquement M. Laurent et affirma à son père que quoi qu'il arrivât, elle ne se séparerait pas de son mari. « Je n'ai pas à juger votre conduite dans cette déplorable affaire, » dit-elle à son père. « Nous avons, mon mari et moi, eu des torts envers vous, mais vous dépassez grandement votre droit de vengeance. Votre rancune accable et déshonore un homme malheureux. Un acte de bonté pouvait nous sauver. Vous ne l'avez ni compris, ni voulu, je le regrette. Mais vous admettrez bien que je reste fidèle à celui à qui j'ai voué ma vie et que je sois d'autant plus attaché à lui qu'il est plus malheureux. » À ce moment, les magistrats parurent. Madame Laurent courut se jeter dans les bras de son mari. « Courage !» lui dit-elle. « Courage ! Tu sortiras de tous ces ennuis. Un peu de courage !»« Ma femme, ma chère femme, quel malheur !»« Quant à moi, tu peux compter sur ma fidélité absolue, sur mon dévouement, sur mon inaltérable amour. » Le magistrat s'adressa à la jeune femme. « Madame, voulez-vous me permettre de vous poser une question ?»« Interrogez, monsieur. » C'est grâce à votre concours que M. Laurent a pu payer le billet de 10 000 francs. Oui, monsieur. D'où teniez-vous l'argent que vous avez remis à votre mari ? Madame Laurent tressaillit et répondit : Mais, monsieur, qu'importe d'où je tenais cet argent ? C'est moi qui l'ai remis à mon mari. Voilà qui est suffisant pour vous prouver que mon mari n'a pas pu le voler à mon père. Je vous demande pardon d'insister. Ce point est en effet capital dans l'accusation et dans la défense de votre mari. Vous êtes allé à l'aigle pour chercher cet argent ? Oui, monsieur. Et c'est à l'aigle que vous l'avez trouvé ? Oui, monsieur, répondit avec hésitation Madame Laurent. À l'aigle. Bien, chez votre père ? Non, pas chez mon père. Dites-nous alors, qui vous a remis cette somme ? Madame Laurent comprit aussitôt le danger qu'elle courait. Elle trembla. « Oh, mon Dieu » fit-elle. Monsieur Laurent vint à elle. « Voyons, Octavie » fit-il. « Dis-le. »« Oh, tu peux l'avouer même devant ton père. Dis-le au magistrat. » Et comme Madame Laurent hésitait, ne se décidait pas à parler, ce fut lui qui déclara. Ma femme, devant le refus de son père, est allée tenter une démarche pénible auprès d'une de ses parentes, de sa tante, la tante Mélie. « Et c'est cette dame qui a versé la somme ?»« Oui, messieurs les juges, c'est tante Mélie. » M. Billement s'avança et cria « C'est faux, c'est un mensonge !» Tout le monde se tourna vers le maire d'Itonville. « C'est faux !» déclara nettement M. Billement. « Octavie, ma fille, est en effet venue à l'aigle voir sa tante Mélie. Mais j'ai vu, moi, le lendemain, tante Mélie, et elle m'affirmait qu'elle n'avait pas donné un sou à ma fille. » M. Laurent tressaillit. Il saisit sa femme par la main. « Parle !» lui dit-il. « Dis la vérité. Dis-leur. Dis-nous. Parle. Dis-moi où tu as trouvé cet argent. Dis-moi qui te l'a donné. » Octavie se taisait. « C'est moi qui te le demande. Moi, non plus le juge, mais moi, ton mari. Parle. Ne me demande pas. Je te jure que tu peux prendre cet argent sans crainte, sans honte. Ce n'est pas une réponse. Je veux savoir. Dis-moi qui t'a donné cet argent. Je ne peux pas te le dire. Mais je te dis, mon ami, je te jure que... » M. Laurent alors éclata de colère. « Misérable ! Tu ne peux le dire ! Si tu ne peux nommer celui qui t'a donné cet argent, c'est t'avouer que tu es coupable. C'est un amant. Infâme ! C'est un amant ! Ta tante Mélie, c'est un amant ! Mais parle, avoue, avoue ! Maintenant, une onde de plus n'est rien pour moi. Avoue, c'est ton amant qui t'a donné cet argent. » Furieux, M. Laurent tirait sa femme par les poignets, la meurtrissait. Il la fit tomber à terre, la traînant sur le parquet. On dut s'interposer, la lui arracher des mains. Il fallut lutter avec lui. « Laissez-moi » criait-il. « Laissez-moi la tuer, cette misérable, la tuer !» Les agents durent, pour se rendre maître du forcené, lui passer les menottes. Ils proféraient contre M. Billement les pires menaces et lançaient à pleine voix contre sa malheureuse femme accablée de douleur les insultes les plus grossières, la maudissaient, et lui promettait à sa sortie de prison la plus terrible des vengeances. Avec grand-peine, les agents que l'on était allé quérir, les voisins, les curieux accourus pour prêter main-forte, parvinrent à faire monter M. Laurent, semblant fou furieux, dans une voiture qui l'emporta vers le dépôt. Ainsi, au dépôt, dans le même sinistre bâtiment, presque en même temps, par des moyens différents, arrivèrent Riri la Jolie et M. Laurent. Et ces deux êtres, malheureux, accablés, ployés sous la fatalité, qui ne se connaissaient pas, si loin dans la vie l'un de l'autre, maintenant se trouvaient rapprochés dans cette prison. Un lien mystérieux les unissait. Lien tout de douceur, d'affection, de dévouement. Et sur leur infortune veillait l'âme admirable et précieuse d'André Girardet. André Girardet, pour l'un, le grand frère, pour l'autre, la bonne tante Mélie.